jeudi après-midi à Assemblage Requis. Maxime Lemelin-Ramé nous propose ses découvertes musicales dans son blog Télécharge quoi, et on se garde avec une bonne vieille capsule classique de Vidon là dans la question. C'est jeudi à Assemblage Requis, juste après les palmarès C'est fou, dès 15h.